Chapitre 13. Quand la CIA fournissait les plombiers du Watergate. La nuit du 17 juin 1972, cinq hommes pénètrent par effraction dans l'immeuble du Watergate, siège du Parti démocrate. Leur mission ? Obtenir des informations pouvant permettre la réélection du président Nixon aux prochaines présidentielles. Mais ils sont découverts par un garde de sécurité et arrêtés par la police. L'un d'eux, Bernard Barker, a travaillé pour la CIA quand il était officier de police cubain. Un autre, James Walter McCord, est un ancien officier de la CIA parti en retraite 2 ans plus tôt. Les autres ont également des liens avec l'agence, quoique plus ténus. Ce groupe, que l'on surnomme bientôt « les plombiers », a agi sous la direction d'Everett Howard Hunt, ancien agent de la CIA. Richard Nixon essaie de gérer cette crise potentiellement explosive. Le 26 juin, il fait demander au directeur de l'agence Richard Helms de débloquer $1 million en liquide sur les fonds secrets de la CIA pour acheter le silence des plombiers captifs. La CIA est la seule organisation gouvernementale à pouvoir disposer rapidement d'argent liquide au noir. Mais Helms refuse. Cela aurait signifié la fin de l'agence, dit-il plus tard. Non seulement j'aurais été en prison si j'avais fait ce que voulait la Maison-Blanche, mais la crédibilité de l'agence aurait été détruite à tout jamais. La Maison-Blanche essaie de détourner la pression vers la CIA et demande à l'agence de stopper l'enquête du FBI au nom de la sécurité nationale. Les responsables du FBI refusent d'arrêter tant qu'ils n'ont pas une demande écrite de Helms, laquelle ne viendra jamais. Fin juillet, le plombier McCord, toujours emprisonné, fait passer un message à la CIA. Selon lui, les hommes du président veulent qu'il témoigne que le cambriolage du Watergate était une opération de la CIA. L'agence recevra un blâme et quelques mois plus tard, le président accordera sa grâce à McCord. Celui-là écrit alors à son ancienne agence « Si Helms s'en va et que l'opération du Watergate se retrouve sur le paillasson de la CIA, là où ce n'est pas sa place, tout va s'écrouler. Ce sera le désert. On est au bord du précipice. Faites passer le message que s'ils veulent tout faire péter, ils sont sur la bonne voie. » La CIA est-elle donc totalement innocente dans cette affaire? Certes, il lui est impossible de contrôler les activités de tous ses anciens agents. Toutefois, l'agence ne peut avoir totalement ignoré ce qui se tramait. Les archives de la CIA contiennent un dossier Watergate compilé à la demande du successeur de Richard Helms. On y apprend que les contacts de l'agence avec Hunt et McCord, les cerveaux de l'opération, ont été fréquents dans les mois qui précèdent les faits. Un mémo titré « Hunt demande un briseur de serrure » révèle qu'au printemps 1972, un officier de la CIA a aidé Hunt à trouver un homme expérimenté dans l'ouverture de serrure. Richard Nixon est réélu le 7 novembre 1972. Il remplace Helms à la tête de la CIA le 20 novembre, lui faisant payer ce qu'il considère comme son insubordination. On connaît la suite. Une longue enquête des journalistes du Washington Post Bob Woodward et Carl Bernstein aboutira bientôt au départ de Richard Nixon, responsable de l'affaire du Watergate. Extrait des bijoux de famille relatifs à l'affaire du Watergate. Hunt dépose une demande pour un forceur de serrure. Ceci est l'enregistrement d'une action du département des emplois externes de soutien, entreprise sur la requête d'Howard Hunt, qui demandait un forceur de serrure en la personne d'un agent fraîchement retraité ou démissionnaire de l'agence. Au cours du printemps 1972, Frank O. Malley du DEES, département des emplois externes de soutien, reçut un coup de téléphone d'Howard Hunt qui lui demanda s'il avait dans ses ressources un ancien de l'agence sachant forcer les serrures. Monsieur O'Malley lui envoya le curriculum de Thomas Amato, retraité en date du 31 juillet 1971. Monsieur O'Malley n'a pas noté dans ses archives des EES à quelle date cet échange avait eu lieu, mais un autre employé du COM-DEES confirme que c'était entre mars et mai 1972. Tous les renseignements ci-dessus ont été communiqués au Bureau de la Sécurité le 4 octobre 1972 à la suite des contacts entre la CIA et le FBI au sujet d'Howard Hunt. Le 23 mai 1973, mémorandum pour sous-directeur gestion et services. Objet : protagoniste du Watergate, implication directe ou indirecte. Ce mémorandum est une réponse à la requête du directeur désirant un rapport concernant toute implication de quelque sorte que ce soit, depuis le 1er janvier 1969, avec messieurs Hunt, McCord, Liddy, Young ou Crow. Je n'ai eu aucun contact avec Hunt, Liddy ou Young. Mon seul contact avec McCord a été indirect et s'est produit vers la fin des années 1960 lorsque j'étais directeur au Bureau des services informatiques. Je me suis opposé à un plan qui prévoyait l'acquisition d'un ordinateur indépendant pour la division technique du Bureau de la Sécurité, sous les ordres de M. McCord à l'époque, dédié à son système de surveillance locale. Du bureau du sous-directeur Sciences et Technologies, à ce moment-là ORD, était le technicien ordinateur qui travaillait avec et je pense qu'il en saurait plus. Ma relation avec Crow a été indirecte, elle aussi. Elle avait à voir avec la requête qu'il a formulée, d'abord par le biais de l'OMB, pour que la CIA finance un voyage à l'étranger au nom du Comité restreint sur le contrôle international des stupéfiants. Des conversations téléphoniques précises sont relevées dans le document joint. Les sujets concernant l'agence étaient et de ce que j'ai compris, a communiqué la documentation y afférent. Des copies de mémo émanant de messieurs Crow et Colby sont également jointes. J'ai convoqué hier une réunion du personnel pour communiquer cette requête à tous les employés du Bureau Planification, Programme et Budget. Un de nos officiers qui assistait hier à des funérailles ne sera pas disponible avant demain. Signé Charles A. Briggs, directeur du Bureau Planification, Programme et Budget. Pièce jointe comme indiqué.